sais parfois, je boue dans mon coin le désert. Ça, gamin, faut pas toujours se fier physique aux apparences. Je sais parfois, j'ai des airs de tristesse. Se fier au visage des anges. Je suis le fils du vent. Je trace ma route partout sur la terre. Je suis le fils du vent. Je trace ma vie dans un courant d'air sans me préoccuper de ce que pensent les gens. Sans pouvoir m'arrêter, je suis le fils du vent. Avancer.